terre en grève pour le 20e jour. Bonjour à tous, bonjour à l'étage à moquette. Bonjour aux ors de la République de la rue de Valois. Bonjour à tous et surtout, chers auditeurs, vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité dans l'escalier avec son PDG. Et voici les trois informations qu'on ira ensuite ramasser jusqu'à 18h. François Hollande a prévu un grand remaniement avant l'été. C'est écrit dans la presse, hein, il va y avoir des sortants au gouvernement et des entrants. Ah, c'est Jean-Vincent Placé. La France s'est choisi un nouvel ambassadeur auprès du Saint-Siège, mais le Vatican oppose pour l'instant un refus, sans doute à cause de ses préférences sexuelles. Les préférences sexuelles de qui? Du Vatican, sans doute. Hein. C'est toi le séminariste? Pardon? T'aimes ça, hein, ma petite salope? Et bonjour au Vatican. En Chine, vous pouvez louer un compagnon pour les fêtes de famille, un petit ami ou une petite amie. Une large gamme, vous êtes... On a perdu l'invité, la présentatrice. On est mal. L'invité me fait rire. Donc, petite amie, une large gamme vous est offerte par le e-commerce. Donc, pour gagner du temps, le mariage, non, le baisage, oui. Voilà. Bah, éventuellement, ouais. Et pour faire n'importe quoi avec l'information, parce que je n'y suis pour rien, vous pouvez compter en tout cas sur mon binôme, sur Alex Vizorek. C'est moi géré sérieusement ici, autour de la table à 17h20. Elle vient du sud et pourtant elle ne perd pas le nord lorsqu'il s'agit de nous expliquer des études scientifiques qui sont toujours à l'ouest. J'ai bossé. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Vizorek. De quoi va-t-on parler? Nous parlerons de comment sortir de la grève lorsqu'on est une fleur. Ah bah ça tombe. Alors ça, c'est le coup de bol parce que ça tombe pile poil. À 17h30, l'homme qui a énormément de qualités, mais lorsqu'il interroge les autres, il fait souvent ressortir leurs défauts. C'est Guillaume Meurice. C'est joli. Oui. Et bah ça va rejoindre Nicole parce que je vais vous parler des propos de Fleur Pellerin sur la spécificité de Radio France. Copieur. Qu'en pense-t-on par exemple à Radio Courtoisie? Nous sommes très au-dessus de France Culture avec la modestie qui nous caractérise. Hein. Voilà, très au-dessus de France Culture, Radio Modestie. Effectivement, il y a 17h40, celle qui un jour, grâce à la plume de notre invité, je lui ai dit, c'est quand le bonheur? Et elle m'a répondu avec la plume de Renaud, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler, de grève aussi vous? Eh bien non, en rapport avec notre invité, puisque je suis la seule ici qui pense à ce qu'on invite. C'est pas vrai. On va parler musique avec une grande dame, née le 7 avril 1915, et il ne s'agit pas de moi, merci Alex, mais de Billie Holiday. Ah, et donc rien sur Fleur Pellerin? Non, mais sur la musique. Bon. Ah d'accord, bah, quand même. Variant les plaisirs. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous vous présentez au municipal sous l'étiquette Jeunesse Incorruptible. En 88, c'est l'année de naissance du groupe de rap Nique ta mère. Vous sortez votre premier tube, c'est Quand le bonheur en 2003, et c'est justement l'année où le prince William rencontre Kate Middleton, sans doute sur votre chanson. Et c'est beau, et c'est ça le bonheur. Vous faites vos premiers pas au théâtre dans Cowboy Mouth en 2014, quand Sarkozy reprend les rênes de l'UMP pour une chevauchée fantastique complètement à l'ouest. Vous êtes... Je m'appelle Kali. Bienvenue Kali. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Merci d'avoir tout annulé pour être avec nous. Merci d'avoir annulé la grève pour être avec moi. Avant toute chose, je voudrais quand même dire que ce qu'on a parlé de Jean Ferrat et d'imitation de Jean Ferrat, vous avez chanté sur un album hommage à Jean Ferrat, vous, ouais. Vraiment. Ouais. La Montagne, j'ai chanté. Ah bah voilà. Et vous avez écouté les... Parce que hier, j'allais on a dire fait... parodie. Oh ben non, les imitations. Les hommages. Voilà, les hommages. Des hommages. C'était magnifique. Je suis très touché. Il est très très fort. Vous devriez l'embaucher direct. Peu chaud. Alors Kali, votre dernier album s'appelle L'âge d'or. Il est disponible depuis le 9 mars. Et vous êtes en tournée. Notamment, vous serez demain à Angoulême. Vous serez le 9 avril à Nantes, le 10 avril à Brest, le 11 à Rouen et le 27 mai au Zénith à Paris. À Angoulême, vous saluerez le maire. C'est celui qui a fait poser des grillages sur les bancs anti-SDF. Ah, ouais, vous allez pouvoir en parler demain. Je passerai le bonjour plusieurs fois même. Justement, vous êtes l'un de nos chanteurs les plus engagés dans le discours, mais dans vos albums, vous êtes sur un registre très personnel, et celui-ci aussi, l'âge d'or, le registre de l'enfance, de ceux qui vous ont forgé pendant l'enfance. Alors vous mettez vraiment une barrière entre vos engagements, vos convictions, qui sont très profondes et qui datent d'ailleurs depuis 88, et votre œuvre. Non, il n'y a pas de barrière. Je m'étais présenté en 88 sous donc Jeunesse Incorruptible, et puis 4 ans après, Ça s'appelait Ça va chier. Oui. Ouais. Oui. Il y avait marqué Bruno Calicciori, c'est mon nom, Sani Broyeur Municipal. Et il y avait un tampon de la poste bientôt dans votre mairie. Et il y avait un papier toilette et comme ça. Et les touristes étaient prenant photo là. C'était bien. On a fait 20%, c'était pas mal. C'était votre période punk quand vous avez démarré avec le groupe punk qui s'appelait Pénétration Anale. Merci. Merci. C'est la promo ce soir. Merci, c'est gentil. Dites du bien du disque parce qu'on a beaucoup aimé le disque. Oui, mais alors là, on est dans la juste beaucoup plus poétique. Mais bien c'était sûr. Peut-être très bien, pénétration anale. Ouais, c'était on ne peut pas juger, on n'a pas... qui aiment bien ça. Non, non, mais là, vous avez viré de bord. Quand, entre pénétration anale et l'âge d'or, il y a quand même des choses qui se sont passées. 30 ans. C'est ça. Alors, l'âge d'or, donc c'est l'enfance. Et donc, comme je le disais, vous rendez hommage à ceux qui vous ont construit dans l'enfance. Vous dites, c'est nostalgique, et on entend que voilà, c'est des balades, etc. Mais nostalgique, joyeux. Ouais, non, le mot nostalgie, pour moi, c'est regret, c'est pas ça. Non, c'est tout à fait... Je rends hommage aux gens qui m'ont... Non, j'ai du mal à vous regarder sans sourire, excusez-moi. Mais c'est des gens qui m'ont construit, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à vous regarder sans penser à la pénétration anale. Mais c'est compliqué. Et voilà, je parlerai des bancs en grillage demain, c'est promis. Et donc, la maîtresse d'école qui... Moi, j'étais un vaurien à 6 ans, elle est arrivée, elle m'a offert des mots, la lecture, l'écriture, et j'ai voulu parler d'elle. C'est pas de la nostalgie, c'est pas du regret, c'est un hommage. Et puis et ouais, il faut en parler sur un disque de Roger Coudert et de Pierre Albaladejo. Oui, parce que ça rime, j'ai fait du facilement. Rugby grâce à eux, quoi. C'est-à-dire que leur voix euphorique et dramatique, incroyable lors des tournois des 5 Nations, j'en ratais pas un. Et j'allais dans la rue après les matchs, je tapais dans une bouteille, je me prenais pour Jean-Pierre Romeu. Et voilà, et ça a démarré là ma carrière de rugby énorme. Et donc, ce sont tous ceux grâce auxquels on peut écouter l'âge d'or aujourd'hui, qui vous ont forgé un peu? Ouais, qui vous mais... ont conduit sur ce chemin-là. Ouais, et puis tout, le premier baiser, et mes enfants, et puis... Vous êtes avec votre fille sur la pochette. Ouais, ma Coco. Ouais, et dans Coco une chanson. Ouais, elle chante avec moi, et c'est quelqu'un... Moi, j'étais au théâtre, donc vous l'avez dit, j'étais au théâtre La Gaîté Montparnasse, Kidnappé à Paris, j'aime pas Paris. Donc la journée, je restais dans un appart et j'écrivais des chansons, et le soir, j'étais sur scène, heureux d'être sur scène. Et j'ai voulu écrire des chansons un petit peu pleines de lumière pour être juste heureux avec les miens. Ils n'étaient pas là. Et j'ai construit des chansons, dont Coco. Ah, et c'est comme ça que vous avez pu jouer au théâtre et écrire vos chansons. C'était pour ramener à vous votre entourage, en fait, qui exactement, était absent. Voilà. Tout s'explique. Vous dites « J'aime pas Paris », mais il y a quand même un pays, je suis surpris que vous en parliez deux fois et ça nous touche, nous. Il y a une chanson magnifique sur Ostende. C'est pour vous. Très, très belle. Mais, moi, j'ai passé ma jeunesse à Ostende c'est l'été. Ouais, ouais, ouais, le vieux casino qui regarde l'Angleterre, je le connais, je l'apprécie. Dans un internat sécurisé. Et dans la chanson d'après, Camarades, vous dites que la plupart de vos camarades sont éparpillés à Gand, à Bruxelles, à Paris. Alors vous, l'homme du Sud, vous savez pas autant de liens avec le plat pays? Évidemment, au stand, on pense à Ferrec, au Simon, on pense à Brel, à l'Ostendaise, on passe en Bachon, la chantée, Arnaud. Il faut savoir qu'Arnaud, vous le savez sûrement, c'était le... Il est Ostendais. Et Ostendais, et c'était il était serveur dans un resto, et le patron du resto lui disait chaque soir, va ramener le repas à l'hôtel à Marvin Gaye. Et il allait servir Marvin Gaye. Ouais. Et donc je suis arrivé là-bas vierge de tout. C'est mon ami Geoffrey Burton, le plus grand guitariste du monde, qui a joué avec Arnaud et Bachung et Iggy Pop, qui m'a présenté cette plage et j'ai été foudroyé par la lumière, vraiment. Je me suis dit, si j'étais peintre, j'habiterais ici, c'est sûr. Et je suis hanté par cette plage. Peut-être que c'est loin de la lumière que je connais du Sud et ça m'a passionné, bouleversé. Et oui, s'il fallait mourir un soir, un jour, ce serait sous ta robe grise et verte autour. Vous connaissez Ostende, c'est sur l'âge d'or, c'est Kali qui est avec nous. Et tiens, de la pluie qui mitraille, du ciel qui s'effondre sur les corps enflammés, on va écouter La vie quoi, extrait de l'âge d'or, c'est Kali sur France Inter. Il faut me dire, on doit se dire, tu dois me dire, est-ce que tu es heureux? Alors ça fait quoi? Raconte-moi, est-ce que c'est bon d'être enfant amoureux? Toutes ces nuits, t'es mort mille fois pour vivre un jour ce moment-là. La vie quoi? Oh, sais. De la pluie qui entraille, du ciel qui s'effondre sur votre corps enflammé. La vie quoi? Playlist ou dans la playlist France Inter. Cette fameuse playlist, vous êtes passé 52 fois en 19 jours. Non, ça vous êtes les, grève, oui, hein. Les grands vainqueurs de la grève. On vous a vu arriver en Rolls-Royce tout à l'heure, c'est magnifique, c'est beau. Sur l'album L'âge d'or, et vous serez notamment le 17 avril à Bruxelles, mais aussi le 10 avril à Brest. Alex Vizorek, autour de cette table. Bien sûr, autour de cette table, il y a Clara Dupont-Mono, il y a Guillaume Meurice, il y a Nicole Ferroni. Et si vous voulez nous voir, je pense que sur la page internet de France Inter, eh bien, il y a des petites caméras qui traînent et voilà, on peut se. On peut vous poser avec nous autour de la donc table. On peut vous voir faire des blagues là tout de suite voilà, dans cette première. Ça vaut le coup. Hein, moi je dis à tout le monde, ça vaut le coup de vous voir. Ça vaut le coup. Parce qu'on a un physique très gracieux. Et des coiffures hein, surtout. Oui, le casque vous va excessivement bien. Pareil. On s'est mis sur notre trempe. On s'habille depuis que la radio est filmée. Eh ben on s'habille. Parce que la décoration, c'est important. Parce qu'on pense que la décoration, c'est pas important, mais dans les bureaux, tout ça. C'est de la radio filmée. Ah, bien sûr. Donc, tout ce qui est boiserie, tout ça. Voilà, envoyez le. Je peux pas l'empêcher. Envoyez le. Revue de presse. Voilà. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas. Mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence donc par la grève, évidemment. Alors, coucou à ceux qui sont rue de Valois pour défendre notre service public. On les salue d'ici. Enfin, qui sont rue de Valois devant le ministère, pas dedans le ministère. Oui, parce qu'eux, ils s'en foutent complètement du service public. Dedans. Oui, c'est bien pour ça que les autres sont devant. Ah, voilà, donc on les salue tous d'ici. Et on commence par quelques dommages collatéraux de la grève à Radio France, parce que beaucoup d'auditeurs nous demandent, mais tiens, comment on le vit? Eh bien, l'un des soucis, c'est qu'il n'y a plus de papier de toilette. Oui, c'est vrai, Alex, souci technique, plus de papier toilette. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes abonnés à Valeurs Actuelles. Oui. Autre conséquence de la grève à Radio France, alors le personnel se soutient. Par exemple, grâce à la grève, j'ai découvert que la directrice de France Bleu Gare Lozère s'appelle Fabienne Bureau. Voilà. Fabienne Bureau, oui. Très bien. Donc demain, le canard enchaîné publiera le coût de son lifting. Oui, et voilà. De la moquette au tapis rouge, passons à l'actu. Lors du prochain festival de Cannes, les selfies seront interdits sur les marches. Oui, bah, le selfie, c'est pour les gens qui ne maîtrisent pas Photoshop. Hein. Oui, c'est vrai qu'avec un bon montage photo, vous pouvez vous mettre en smoking sur les marches, pas de problème. Bah évidemment, les selfies, c'est dégueulasse. Alors, tous les bons communicants en reviennent à Photoshop. Oui. Regardez, ici, j'ai Mathieu Gallet chez Brico Dépôt, Fleur Pellerin dans une bibliothèque, et Guillaume Meurice en costume Armani. Celui-là va pas mal. Politique, Ségolène Royal. Oui, elle a déclaré hier à Sud-Ouest, même si je voulais partir, on me demanderait de rester. C'est amusant, ça, parce qu'en 2007, elle avait proposé aux Français de rester, et lui avait demandé de partir. Ah, ça vous fait rire, parce que je me suis dit, est-ce que ça va le faire rire encore? C'est un mauvais souvenir. Donc on est dans les départs impossibles. C'est le cadeau pour Cali. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour Fleur, il y en a pour Mathieu, il y en a pour Cali. Les départs impossibles, un chanteur. Oui, Charles Aznavour rechantera à Paris au mois de novembre pour une série de 6 concerts à 91 ans. Oula, il se produira où ? Au Palais des Sports. Il va falloir mettre un défibrillateur sur scène. Quand même. Autre info, est-ce que vous connaissez Agnès Chauveau ? Ah, ça me dit quelque chose. Eh oui, c'est l'ex-directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po. Ah oui, oui, elle avait été remerciée pour, suite à des accusations de plagiat. Oui, des accusations de plagiat, mais elle a retrouvé un emploi. Ah non, dans un magasin de photocopie ? Non, non, non, non, Lina. Ah, mais écoutez, c'est une bonne chose, comme ça quand elle devra citer ses sources, elle dira à Lina, on ne peut pas se tromper. Voilà, c'est Lina. Voilà. Et on termine par un reportage de l'RTBF, hein, RTBF, sur un sport méconnu, ça Cali, vous aimez le rugby, mais peut-être il y a un sport que vous auriez pu pratiquer en Belgique. Le premier club s'est ouvert dans la région de Tournai, donc près de la frontière française. Ah bon, c'est quoi ? C'est le sabre laser. Non, ouais, sabre laser, comme dans Star Wars. C'est exactement ça, comme dans Star Wars, ils sont là tous avec leur sabre laser fabriqué par leur propre... Écoutez Luc, le professeur. C'est un mix entre le côté fun et ludique du sabre laser, avec un esprit sportif, avec les duels de fin de cours, et la possibilité pour les membres d'apprendre 7 styles de combat étalés sur une dizaine d'années. Il est malin Luc, hein. 10 ans pour maîtriser le sabre laser. Et le plus rigolo, c'est que Luc fait ça avec son fils Thomas, hein, c'est-à-dire que ça s'est joué à rien. Donc c'est en fait Thomas qui doit lui dire « Luc, je suis ton fils ». Vous êtes sur France Inter, vive la radio de service public avec Cali jusqu'à 18h. Tout se passe bien jusqu'à présent ? Je suis heureux. Vous ne regrettez pas votre venue ? Ouais, je suis heureux. Premier sujet avec vous, parce qu'on travaille des dossiers de fond, hein, vous le savez, dans cette émission. On a failli s'ennuyer en politique ces derniers temps, parce que les élections sont derrière. Il n'y a pas de scandale, qui est pas encore cette semaine en tout cas. Pas de retour fracassant cette semaine, pas encore. Donc si on évoquait la possibilité d'un remaniement, généralement, c'est ce qu'on fait quand on s'ennuie dans la presse, sympa. En politique. Voilà. C'est amusant, on peut jouer à refaire le plan de table du Conseil des ministres. Doit-on disposer d'un carton d'invitation ? Oui, Nicolas. En France, la maîtresse de maison se place toujours derrière l'invité le plus âgé. Ce qui n'empêchera pas M. Dorcel de se glisser sous Mme Nedin, tandis que Mme Nedin attendra d'être besognée par M. Danton et M. Torrent de la buanderie, en attendant Mme Francelet qui se caresse. C'était Monsieur Manhattan, oui. Benoît Poulvord ou Nadine de Rothschild sur Canal+. Alors, d'après la presse, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France, Hollande fera un grand remaniement avant l'été, glisse un proche. Et là, c'est fou le nombre de proches qui glissent dans la presse quand même, pour savoir ça. Donc, grand remaniement avant l'été. Mais Valls va rester à son poste, nous apprend Le Parisien aujourd'hui en France. Manuel Valls, un catalan comme vous, Cali. Ben oui. Vous reconnaissez, vous avez des atomes crochus avec Manuel Valls, vous connaissez. Il ne peut pas partir. En catalan, ça ne part pas, quoi. C'est ça. Voilà. Aïe. Ouais. Les gens qui me disent « arrête la musique », jamais, jamais. Non, mais vous n'êtes pas le Valls de la musique. Ils peuvent le jeter par la porte, il reviendra par la fenêtre. Un vrai catalan, quoi. Ça reste, c'est dur, et puis ça se bat jusqu'au bout. Ça, c'est rassurant, c'est une qualité, quelque part, pour un politicien. Ça peut être une qualité. Alors, vous regardez ça, j'imagine, d'assez près, vu vos engagements. Est-ce que vous dites, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas que les Verts reviennent au gouvernement ? Ça pourrait faire l'objet du grand remaniement d'été, hein, comme l'annonce, comme le glisse un proche. Les Verts, dont par exemple Jean-Vincent Placé, qui sonne à la porte. Ah, il a envie. Il paraît qu'il a envie. Parce qu'il y a un climat à la fin de l'année en 2015. Puis il faut rassembler quand même. Est-ce que vous avez un regard là-dessus Ouais, j'ai un regard sur Le Parisien, puisqu'ils savent tout, ils le disent avant les autres. Alors, Hollande veut rassembler la gauche en remaniant le gouvernement, s'il remanie, mais il veut garder Valls qui divise la gauche. Est-ce que vous êtes un petit peu perdu comme nous, ou bien vous y voyez un petit peu plus clair et vous avez une explication ? Moi j'irai voter, quoi qu'il arrive. Et puis quoi qu'il fasse, ça sera bien, quoi qu'il arrive, bien ou pas bien, je m'en fous, j'irai voter. Mais c'est idiot ce que je viens de dire, mais je vous ai pas dit. Je suis perdu. Ouais. Attention, parce qu'au temps, vous allez en rencontrer. Vous faites partie de ces déçus de la ligne Valls-Macron, qui est quand même une ligne assez inédite à gauche. Je pense que vous avez baigné là-dedans, dans l'engagement de gauche. depuis tout petit. Ouais, toujours. Et puis non, déçu, je suis compréhensif. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Et puis ça va très vite. Dès que les élections sont passées, on pense déjà aux suivantes. Ça va trop vite, il faut laisser du temps. Vous êtes un pragmatique. Vous dites, vous leur laissez leur chance et attendez les résultats. Plutôt. Ouais, moi je pense que le 11 janvier, enfin il y a des gens qui ont eu besoin du 11 janvier pour voir qu'on avait un gouvernement et un président avec la stature qu'il fallait. Et moi, je le savais avant tout ça. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire que ça vous a pas rassuré. Alors, c'est-à-dire que vous étiez déjà rassuré. Vous étiez dans les 13%, quoi, vous. Oh, ouais. Oui, on vous tient. C'était vous. Bah, disons que je ne suis pas un rat qui va quitter le navire. Voilà. C'est le catalan qui parle. Clara Dupont-Mono. Oui, juste sur l'engagement, du coup, prétendument à droite de Manuel Valls. Vous ne faites pas partie de ceux qui trouvent donc que sa ligne est trop à droite pour quelqu'un ouvertement de gauche. Mais c'est toujours trop à droite, quoi qu'il arrive. Et n'importe qui, ça sera toujours trop à droite, quoi. Voilà. Donc. Moi, je pense qu'il faut laisser encore du temps et que je le trouve plutôt pas mal. Je me mets des gens à dos, mais je trouve ça plutôt pas mal, ouais. Non, mais écoutez, vous allez les pourcentages de rente. Mais qui aujourd'hui, on parle de Valsé, mais qui a la place, quoi? Qui a la place? Mais le vous, silence. Kali. Le silence. Moi, voilà. Allez, ouais. En tout cas, pas de remaniement tout de suite parce que en juin, il y a le congrès PS et François Hollande ne veut pas donner l'impression de petits arrangements. Ah bah parce non. Que ça, pas de ça chez nous, quand même, n'est-ce pas non. Hein, Nicole Ferroni? Non, pas d'arrangement. D'ailleurs, c'est à vous. C'est à vous. Ah, c'est à moi, pardon. J'avais pas compris que c'était une transition. Mais non, c'est je vous ai piégé. Mais avec la grève, vous étiez vigilante. Je reconnais plus les transitions. Oui, non, moi, c'est juste en fait que j'ai vu que hier, dans la matinale donc de France Inter, nous avons reçu Fleur Pellerin, notre ministre de la Culture. Et moi, du coup, je voulais vous parler non pas de culture végétale, mais quand même en fait de phénomènes végétaux, puisque vous avez dû le voir, il y a quand même des gros bouleversements chez les végétaux, puisque la nature, contrairement à France Inter, n'a pas reçu une seule fleur pèlerin, mais plein de fleurs. Il y avait des pissenlits, des pâquerettes, des narcisses. Il y en a aussi sur les arbres, les pruniers, etc. Et donc, la venue de toutes ces fleurs, qu'elles soient pèlerins ou non, je pense, marque vraiment la fin d'une grève, c'est-à-dire que tout le monde parle de la grève du Radio France, alors que personne ne parle de celle de la nature, alors que la nature était aussi en grève pendant tout l'hiver, une grève très suivie, là on n'est pas du tout sur du 9% de grévistes comme à Radio France. Je pense qu'au niveau de la nature, on est plutôt sur près de 80% des plantes qui sont syndiquées et qui sont investies, non pas dans une grève de quelques jours, enfin de plusieurs semaines, mais vraiment de plusieurs mois, c'est-à-dire pendant près de 4 mois, durant toute la période hivernale, il y a vraiment eu un blocus végétal massif dans laquelle la nature ressemblait finalement énormément à une antenne de Radio France la semaine dernière, c'est-à-dire que les arbres, comme les journalistes, laissaient tomber leurs feuilles, les plantes à bulbes, comme les techniciens, sont vraiment rentrées en résistance, et les autres plantes, un petit peu comme les autres salariés, étaient un petit peu prostrées dans l'attente du redout, c'est-à-dire ce moment où on voit arriver la fleur, les fleurs en témoignage d'une possible renaissance. Donc moi j'essaie de m'intéresser à justement quels sont les mécanismes qui permettent de faire revenir les fleurs, parce que comme notre PDG Mathieu Gallet va présenter demain à l'Assemblée nationale son projet pour Radio France, et tout le monde a là, ouais, Mathieu Gallet, mais moi je pense surtout Mathieu Galère, c'est-à-dire je me suis dit que peut-être il va avoir besoin que fleurs reviennent. Alors il faut bien avoir en tête que les fleurs sont les organes reproducteurs des plantes, et que contrairement à nous qui avons nos organes reproducteurs vraiment dans une zone restreinte, enfin sauf peut-être Rocco, mais sinon la plupart non, c'est pas une zone restreinte, et toutes les branches d'une plante peuvent se mettre à créer des fleurs, à créer des organes reproducteurs en multiples exemplaires, alors que nous ne pouvons pas nous faire pousser des sexes au bout de l'index, même si on se concentre très fort, je vous le dis parce que j'ai essayé, ça ne marche pas. Et donc la question, c'est comment une branche qui a donné comme ça à une feuille à droite, une feuille à gauche, une feuille à droite, une feuille à gauche, c'est un peu comme quand ma mère nous file des baffes comme ça, droite, gauche, et peut ensuite se mettre à produire des fleurs. Et un des premiers scientifiques qui s'est intéressé à ça, c'était Johann Gustav Gassner, un botaniste allemand, auteur du très célèbre livre Mikroskopisch Untersuchung pflanzlicher Nahrung und Genussmittel, qui avait remarqué en 1918 ce que des agriculteurs savaient déjà depuis 4 siècles, à savoir qu'il existait donc deux variétés de seigle, une dite de printemps, qu'on sème au printemps et qui fait des épis tout de suite dans l'été après, et une variété de seigle dite d'hiver, qu'il faut semer avant l'hiver si on veut qu'elle produise des épis, parce que si jamais on la sème juste au printemps, et elle pousse, mais ne produit pas d'épis, mais du dépit chez le paysan qui l'a fait pousser pour rien, puisqu'elle ne donne pas de grains. Et donc Gassner, cherche cherche à savoir pourquoi ce seigle d'hiver avait besoin de l'hiver. Est-ce que c'était par besoin de temps, besoin de pluie, besoin de moins de température? Et donc, il a eu cette idée géniale de mettre le seigle au frigo. Et ben, croyez-le ou non, une fois passé au frigo, le seigle d'hiver a acquis la capacité de fleurir tout de suite. C'est-à-dire que si on le plante dès le printemps, et ben, il fait comme le seigle de printemps, il fait des épis tout de suite après dans l'été. Et donc, d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de plantes, hein, les fraisiers, les primevères, etc. Bon, sauf les endives, mais ça, on s'en fout, puisque je n'aime pas ça. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour Mathieu Gallet, le fait que le froid puisse déclencher l'apparition des fleurs, parce que ces annonces de restructuration ont justement jeté un froid, une ambiance glaciale à Radio France. Et la science lui apprend donc que ce n'est pas incompatible avec une floraison future, à condition de s'en sortir. Et là, la science est très claire là-dessus. Un réchauffement d'ambiance au micro-ondes ne marchera pas, puisque, comme le montrent les expériences de Garner et Allard en 1920, une plante qui a été traitée au froid, même si on la met ensuite à température ambiante, mais dans des conditions bâtardes de luminosité, elle ne fleurira pas. C'est-à-dire que donc, après l'épisode de froid, le développement de la floraison est conditionné par la lumière, c'est-à-dire une plus grande exposition à la lumière, sauf les chrysanthèmes, mais c'est comme les endives, on s'en fout vu que je n'en mange pas. Et voilà, il faut que la période de lumière soit rallongée au détriment de l'obscurité. Et donc, si Mathieu Gallet veut que Radio France refleurisse correctement, il va falloir, à mon avis, qu'il y aille avec des idées lumineuses, avec des éclairs de génie, et qu'il lève les zones d'ombre au profit de la lumière pour qu'on troque le France interrompu pour le France interrupteur. Oh, merci là là. Nicole Ferroni, quelle démonstration brillante. Vous irez, au CCE demain. je pense qu'ils cherchent quelqu'un pour trouver une solution. Et si vous tenez la solution, ce serait bête qu'ils ne l'entendent pas. J'espère qu'ils nous écoutent quand même. Il faut bien un auditeur pendant cette période de grève. J'espère. Vous êtes sur France Inter. Il y a où on fait du mauvais esprit avec Cali. Beaucoup de mauvais esprit. Et si Paris bat Barcelone? Ah, foot. Attention. Au foot, alors il pourra rester. Valls. Ah oui. Mais si Barcelone bat Paris, il devra partir. Parce qu'il est supporter de Barcelone. Mais oui, mais c'est ça la population. Mais c'est simple, c'est comme simple ça, la politique. Les élections se jouent comme ça tout le temps. Très bien, bah, écoutez, on va regarder. Un match de foot. Donc vous aussi, Cali, vous faites du mauvais esprit. Et il y a aussi le mauvais esprit et la malavida. C'est la Mano Negra, on se retrouve après. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando. La Mano Negra, Malavida sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Kali, qui sort son dernier album L'Âge d'Or, et vous serez le 14 avril à Boisseuil, le 9 avril à Nantes et le 27 mai au Zénith de Paris. Alex Vizorek autour de cette table. Ah bah toujours Clara Dupont-Mono, toujours Nicole Ferroni et Guillaume Meurice, il me semble que vous avez des mots à nous dire. Vous avez encore été investigué. Il vous semble bien, Alex Vizorek. Moi, je voudrais évoquer avec vous les propos de Fleur Pellerin, qui a affirmé hier sur cette antenne France Inter... Oui, vous connaissez Fleur Pellerin, on en a cette parlé émission un lui peu est ces entièrement temps. Dédiée et depuis deux jours. De toute façon, elle ne l'entend pas parce que les gens hurlent devant la rue de Valois. Donc elle écoutera en podcast. Oui. Alors, elle a affirmé hier, donc, sur France Inter, que nous avions une mission spécifique de décryptage de l'information et d'accès à la culture. Et c'est vrai ? Regardez-nous, hein. Bah, où passe-t-on du Jean-Jacques Goldman pour faire la promo d'un obscur auteur tchécoslovaque, sinon sur France Inter, grâce à Clara Dupont-Mono. Donc, on propose un accès à la culture très spécifique. Heureusement que Camille est là, ça va relever un peu le niveau. Voilà, peut-être un peu trop spécifique en ce qui concerne Clara Dupont-Mono. Mais les propos de la ministre ont beaucoup énervé les stations privées. Oui. Demandons son avis à Xavier Yvon, grand reporter à Europe 1. Je pense que si elle écoute RTL et Europe 1, elle peut se rendre compte qu'on fait aussi décryptage et de l'accès à la culture. Mais elle n'a pas dit que c'était moins bien, c'est ça ? On a l'impression que vous faites un petit complexe d'infériorité quand même. C'est dans la provoque. Non mais pas du tout en plus. Enfin, si vous cherchez à me faire dire des choses, ça ne marchera pas. Hein, mais non, mais c'est juste que je comprends pas votre réaction, c'est ça ? Bon, bah, donc elle a raison et les radios publiques sont vraiment formidables et bien meilleures que les radios privées. Voilà, bah, elle a quand même fini par dire ce que je voulais lui faire dire. C'est ça qui est sympa. Mais c'est confraternel. Mais oui, bien sûr. Bah, mais oui. Moi, ce que je voulais vraiment savoir, c'est si selon lui, il y a la même liberté de ton sur la radio publique que sur la radio du groupe Lagardère. Est-ce que, par exemple, on s'y auto-censure ? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut tout dire partout. Par exemple, est-ce que vous pourriez faire un jour une enquête sur Lagardère ? Ouais, je pense. Ça dépend ce qui lui arrive. Ah oui, je veux dire pas sur son mariage. Des affaires avec la justice, par exemple. Ah bah j'imagine que la question se posera ici, oui. Vous imaginez que vous pourriez le faire ? Je pense. On sent la petite hésitation. On compte sur toi quand même pour le tenter le moment venu, Xavier. Ça te fera l'occasion de faire un joli grand reportage à Pôle emploi. Alors... bon, alors sinon, je te conseille peut-être une autre radio. Pourquoi très pas ? Très bon reporter, Xavier. Bon. Oui, très bon, très bon. Par ailleurs, bien sûr. On salue aussi Arnaud Lagardère. Et alors, puisqu'on parle de radio, pourquoi pas, par exemple, parler de Radio Courtoisie, une radio autoproclamée de droite, selon son directeur Henri Delécamp, que j'ai contacté ce matin. Il m'a certifié que sur son antenne, tous les présentateurs sont libres. Et ils choisissent leurs sujets et leurs invités. Et ils n'ont à rendre de compte qu'à Dieu, pas à moi. Ah oui, ils ont quand même des comptes à rendre à Dieu. Ah bah, s'ils sont chrétiens. Est-ce que Dieu vient demander des comptes souvent ou pas ? Eh bien, le CSA nous demande des comptes et le CSA... Mais vous comparez Dieu au CSA, c'est intéressant ça. N'exagérons pas. Bah, c'est pas moi qui exagère, c'est lui qui compare Dieu au CSA directement. Remarquez, Mathieu Gallet est l'élu à l'unanimité de ce Dieu. Depuis, il prie Saint-Maclou tous les jours. Pendant que sur Radio Courtoisie, on veut réinformer. Grâce à quoi, Henri ? Notre indépendance nous permet de réinformer. Ce qui ne veut pas dire que nous ne disons pas autant de bêtises que les autres. Hein. Mais le simple fait que nous ne soyons pas tenus à respecter l'idéologie dominante fait qu'on peut entendre Radio Courtoisie des propos qu'on n'entendrait pas ailleurs, vous voyez. On peut entendre les mêmes. Mais qui peuvent être des bêtises quand même. Bien sûr. Ah ben voilà, voilà. Donc si vous en avez marre d'entendre des conneries à la radio et que vous souhaitez entendre d'autres conneries, eh ben c'est possible, hein, grâce à Radio Courtoisie. Et quitte à entendre des conneries, allons tout de suite à la source, le Front National. J'ai contacté Jean-Paul Letourneur, fraîchement élu conseiller départemental FN dans l'Oise. Quelle est la position de Jean-Paul sur la radio publique ? Au Front National, nous sommes pour la défense du service public. Pourtant, Marine Le Pen a dit que France Inter était Radio Bolcho. Ah bah si Marine Le Pen le dit, moi je suis son avis, parce qu'elle a un avis plus autorisé que le mien, parce qu'elle suit ça de près. Ça avait pas l'air d'un compliment quand elle a dit ça, donc elle avait pas l'air de défendre vraiment le service public. Et si Marine Le Pen le dit, moi je me range sous sa bannière, moi je suis admiratrice de Marine Le Pen. Vous êtes admiratrice de Marine Le Pen ? Tout à fait, oui. Oui, alors il ne savait plus trop où il en était, Jean-Paul. Il devient subitement une femme, on ne sait pas pourquoi. Il défend la radio publique, puis finalement, non. Enfin, il est perdu, quoi. J'ai cru à un moment qu'il rêvait de devenir communiste et transformiste. Mais finalement, non, pas du tout. Vu comment ensuite il m'a parlé des intermittents du spectacle. Ces gens qui travaillent un trimestre là, pendant l'été et qui sont au chômage le reste du temps, il ne faut pas se moquer du monde, je crois que... Vous pensez que les intermittents sont des feignants ? Non, je ne dis pas que ce sont des feignants, mais je les insulte pas. C'est un peu comme la cigale et la fourmi. Ça ressemble quand même vachement à des feignants comme description. non. Bah si, si, Jean-Paul, quand même. Hein. Si on suit ton raisonnement, Jean-Paul, les intermittents sont tellement payés à rien foutre qu'on dirait des conseillers départementaux, n'est-ce pas? Ah bah, Anélu, c'est un intermittent. Mais alors, vous étiez pas très favorable aux intermittents tout à l'heure. Bah, vous en êtes un. Non, mais oui, non, mais je vois que vous avez de l'esprit, mais c'est pas du bon esprit. C'est mieux rémunéré qu'intermittent du spectacle qui travaille que l'été, à mon avis. Hein. Oui, mais enfin, encore faut-il se faire élire. Ah bah oui, bah encore faut-il avoir son statut d'intermittent du spectacle. Oui, mais enfin ça, c'est pas difficile à obtenir. C'est pas difficile, j'en connais pas les modalités, ben mais... Voilà. Attendez, vous connaissez pas les modalités et vous pensez que c'est pas difficile? Écoutez, pour être intermittent du spectacle, non, moi j'en connais des intermittents du spectacle, ils ont pas inventé la poudre. Ben moi aussi j'en connais. Et oui, il y en a d'ailleurs pas mal qui bossent ici et qui galèrent pour faire leurs heures. Alors je sais pas s'ils l'ont inventé, mais à Radio France, ça continue de sentir la poudre. Merci, Guillaume Meurice. En tout cas, il y a une unité au Front National que les autres partis doivent envier. Parce que vous lui dites que Marine Le Pen l'a dit, il dit « Ah bah alors c'est ça ». Alors c'est ça. Il se range. Ouais. Oui. Et je voudrais juste signaler, Charline, que Fleur Pellerin a eu une grande phrase qu'il faut saluer ici. Ah, bah alors on va la noter. Qui était lundi matin, c'était « Quand on écoute RTL, on n'écoute pas France Inter ». Eh oui, c'est vrai. Ouais, je voudrais m'incliner. C'était plutôt gentil. C'était l'objet du billet de Patrick Cohen ce matin à 7h43. Ah, bah voilà. Je vous engage à réécouter sur ce sujet. Bien énervé, Jean-Michel Apathy. Cali, peut-être une réaction suite à ce comique d'investigation dont il sort des choses quand même, donc les intermittents sont des fignons. Ouais. Et puis vous êtes dans une radio qui est en grève. Alors nous on est à l'antenne, mais on porte le message qu'on soutient évidemment le service public, ses valeurs, sa créativité, son originalité, et on demande des moyens. Merde. Comme quoi, ils sont pas capables de sortir que des phrases antisémites. Hein. Ils ont un gros registre de conneries. Hein. Bon, allez, on va passer au sujet 2 avec vous, Cali. La France a choisi son ambassadeur auprès du Vatican, mais le Saint-Siège reste muet, ce qui, pour l'instant, vaut un refus. Laurent Stefanini étant ouvertement homosexuel, eh bien, au service diplomatique du Vatican, ça coince. Alors que dans les caves de la basilique Saint-Pierre, ça doit pas être triste. Par contre, toi, tu n'as vraiment pas l'air d'en être. Ben, à vrai dire, j'en suis pas depuis longtemps. En fait, j'en suis pas encore, tu vois. Mais je suis venu ici pour essayer d'en être, mais je sais pas comment m'y prendre. Non, mais c'est facile d'apprendre, ça. On peut s'en occuper. Ah bon? Mmh. Ah ouais, ben c'est sympa, ouais. Mmh. Parce que moi, au départ, j'ai pas eu l'idée tout seul, on m'a un peu forcé la main. Ah ouais, d'accord. Mais maintenant, tu n'as rien contre? Ah non, je suis même plutôt pour. Mais seulement, je suis pas un actif, quoi. Passif, c'est bien aussi. Non. 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Ça se passe peut-être comme ça, au Vatican. Entre les... Hein, on ne sait pas. Sûrement, mais on ne veut pas le savoir. Bah, on va savoir. Pas, pas, alors, on peut pas vous dire. Donc, la France a choisi un diplomate de 55 ans qui a une parfaite maîtrise des dossiers liés à l'écologie, parce que c'est un ancien ambassadeur délégué à l'environnement en charge des négociations internationales. Et Hollande veut faire du pape un allié pour la conférence climat. Donc, Laurent Stefanini était tout indiqué pour être ambassadeur de France au Vatican. Il maîtrise ses dossiers. Mais voilà, il est ouvertement homosexuel. Donc, le Vatican, pour l'instant, fait le mort. Le Vatican qui est pourtant pas sexuel du tout. La résurrection, c'était il y a pas longtemps. Donc c'est ça. Alors, je sais pas, on ne sait que dire. Non. Mais le simple fait que la diplomatie tique en dit long sur l'archaïsme des mentalités. Et en plus décalé avec le pape, parce que le pape François avait déclaré dans une de ses premières interviews, si une personne est homosexuelle et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Donc en plus, le service diplomatique est en visiblement complet décalage avec son hiérarque. Vous trouvez ça choquant ou rigolo, Cali? Choquant, vraiment choquant, mais je pense que Laurent Stefanini, c'est ça? Ouais, oui, Stefanini, tout à fait. Devrait rajouter dans son bouc, il devrait participer à un film d'Alain Guéraudy, et ça serait peinard après, quoi. Tu fais un film d'Alain Guéraudy et aucun pape peut refuser qui que ce soit. Après, mais ouais, voilà, c'est... comme quoi il y a des solutions dans cette émission. Il y a des solutions, il y a tout, ouais. Moi, j'ai pas suivi l'allusion, excusez-moi. Mais il a tout pour jouer dans un film d'Alain Guéraudy, quoi. Il pourra tout faire, quoi. Voilà, il pourra... Le magnifique réalisateur Alain Guiraudy, ouais. L'inconnu du lac, le plus grand réalisateur français. Voilà, oui, dont l'affiche avait été... Voilà, ouais, voilà, tout voilà. À fait. Voilà. Ben voilà. Donc, excusez-moi, non, mais je vous ai bombé là, excusez-moi. Bien, mais pas du tout. Vous me regardez méchamment. Si vous regardez votre caméra, il me regarde méchamment. J'étais noyé dans votre océan de culture et je voulais la précision. C'est l'inconnu du lac, c'est normal que vous soyez noyé. Alors, il avait organisé... Il avait organisé les visites d'État quand même de Sarkozy et puis de François Hollande, donc ce Laurent Stefanini. Et donc, je me suis dit, il a organisé l'avenue de Bigard au Vatican. Donc c'est peut-être ça l'explication, refus du Saint-Siège, on ne sait pas. Est-ce que non? peut-être. Bon, alors je vois que ce sujet vous passionne. Donc on va tout de suite passer à Clara Dupont-Monod. Ça ne nous passionne pas non plus. Passons plutôt après. Alors on va passer à... qu'est-ce qu'il y a de... Moi, Clara, je trouve ça passionnant. Sûr. Écoutez, Cali, vous savez, Clara, on va prendre un peu de hauteur. Oui, Charline, puisque l'actualité... Alors, la grève, ça, oui, bien sûr, mais c'est aussi le centenaire... Comment ça, la grève? Bah oui, bien sûr. Non, parce que vous l'avez traité, vous et Nicole, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais c'est aussi le centenaire de la naissance de Eleonora Holiday, dite Billie Holiday, dite Lady Day, née le 7 avril 1915. When you're gone and spending it, they don't come no more. Quand elle entame cette chanson qui s'appelle God Bless the Child, Billie Holiday tient à peine debout. C'est-à-dire qu'elle est face à la salle de l'Olympia, pleine à craquer, à Paris. Donc, on est au soir du 12 novembre 1958 et Billie a le visage bouffi. Elle s'agrippe au micro pour ne pas tomber. Elle n'arrive pas à chanter et le public commence à siffler. Ses musiciens se regardent effarés. C'est la catastrophe. Billie a trop bu, elle s'est trop droguée. Les hommes, en général, l'ont trop violentée. Bref, la vie a trop montré ses griffes pour que cette chanteuse de jazz retrouve son panache. Et c'est précisément cet épisode, cette soirée-là, un épisode d'ailleurs assez méconnu de la biographie de Billie Holiday, qu'un livre prend pour pivot. Et ce livre s'appelle « Vivre 100 jours en un » et il est signé Philippe Broussard. Ce séjour à Paris, c'est le dernier, puisque Billie Holiday va mourir dans 8 mois. Elle a 8 mois à vivre encore. Et donc, quand elle monte sur la scène de l'Olympia, c'est son chant d'honneur, chant C-H-A-N-T. Malheureusement, écrit Philippe Broussard, à la deuxième chanson, elle chancelle sous la mitraille, sa voix tente une percée mais se limite à un râle à peine audible, la salle fulmine. Et dans cette salle, il y a Juliette Gréco qui assiste bouleversée au carnage et qui comprend ce soir-là que le mythe Billie Holiday est d'abord, comme elle l'a dit, une personne de chair, de sang et de larmes. Le fiasco stase. Quelques jours plus tard, Billie Holiday doit remonter sur scène, cette fois une salle beaucoup plus petite qui s'appelle le Mars Club et qui est un club de jazz à Saint-Germain-des-Prés. Salle donc petite, ce qui n'empêche pas Brigitte Bardot de venir se glisser au premier rang. En coulisses, Billie Holiday a enlevé son manteau de vison, elle s'est avalé 5 whisky lait et sous le regard très anxieux des gérants du club, chaloupant sur ses talons hauts, elle s'avance, elle prend sa respiration et elle chante « Traveling Light ». Because my man has gone, and from now on, I'm traveling light. La salle, elle est pétrifiée d'émotion. C'est l'ultime parade d'une lionne à l'agonie. C'est comme ça qu'écrit Philippe Broussard. Et en effet, Billie Holiday, vous l'avez entendu, elle chante comme on peut lécher ses plaies, ce qui la range du côté d'une Maria Callas ou d'une Edith Piaf. Une bande dessinée qui lui est consacrée et qui vient de sortir aussi, signée Munoz et Sampaio, met en image sa détresse sans voiler l'attirance qu'éprouvait Billie Holiday pour les mauvais garçons. Mais un homme qui lui faisait mal, c'était encore un homme qui prenait en compte son existence. Et voilà. Il y a la recette du whisky lait dedans ou pas? Non, mais à mon avis, je ne sais pas si c'est très... faudrait savoir si c'est bon 50, pour le Big Lebowski, ou... mais pour Billie Holiday, c'était moyen. Mais voilà pourquoi, sans doute, Billie Holiday, elle a autant été proche de la littérature. D'abord, elle a écrit son autobiographie, dans laquelle elle maquille un peu la réalité, elle s'arrange avec, mais quand même. Et puis, les écrivains l'adoraient. Philippe Broussard rappelle un article de Boris Vian, en 1954, où il écrit « Billie chante comme une pieuvre, ça n'est pas toujours rassurant d'abord, mais quand ça vous accroche avec 8 bras et ça ne lâche plus. » Et Françoise Sagan, qui était grande fan, a profité du fameux passage de Billie Holiday à Paris à l'Olympia pour venir la voir. Et Billie Holiday impériale lui a lancé « De toute façon, darling, je vais mourir très bientôt à New York entre deux flics. » Et c'est exactement ce qui va se passer. Le 31 avril 1959, Billie Holiday est alitée à l'hôpital, au seuil de la mort, bouffie d'orgueil et d'alcool et de drogue. D'orgueil, non, mais d'orgueil, elle n'en avait plus, hélas. Et la police entoure son lit, et alors qu'elle est alitée, l'inculpe pour détention d'héroïne. La bande dessinée montre les policiers qui soulèvent la main molle de Billie pour prendre ses empreintes digitales, et dans le couloir, une infirmière demande « Mais enfin, où pouvait-elle planquer l'héroïne, puisqu'il y a 2 semaines qu'elle est ici ?» Mais ne pas oublier que la police a la peau blanche et qu'en ce tout début des années 60, une femme noire et venant des bas quartiers ne pouvait être qu'une anomalie à effacer d'urgence. C'est raté, grâce notamment à Vivre 100 jours un an, en un pardon, de Philippe Broussard chez Stock et Billie Holiday de Muñoz et Sampaio, paru chez Casterman. Merci Clara Dupont-Mono. Moralité, la Lady Day a elle aussi fini sous un pont. Attention, Cali a tout compris l'esprit de cette émission. Cali fait beaucoup de mauvais esprits. Vous êtes pire que nous, je remarque. Billie Holiday, c'est, ça vous arrive de réécouter Billie Holiday ou à France Inter souvent, ouais. Voilà, c'était l'occasion en tout cas avec Clara. Et je rappelle que toutes les références des livres, on peut les retrouver sur franceinter.fr. Parce que vous avez votre page, Clara Dupont-Mono, désormais, absolument, que vous gérez de main de maître, n'est-ce pas ? Allez, nous sommes avec Cali. Cali, vous êtes en tournée, hein. D'ailleurs, on parlait de BD, vous serez demain à Angoulême. Oui. Et voilà, le 9 avril à Nantes. Là où ils grillagent les bancs et tout ça. Là. Exactement. Voilà. On compte sur vous pour un petit message. Partie. Un petit message entre deux chansons de votre dernier album, L'âge d'or. Et avec vous, on va aborder le troisième sujet. Grâce à la magie du e-commerce, en Chine, on peut désormais louer un petit ami pour les réunions familiales ou les réunions d'anciens élèves. C'est Vizorek qui l'a lancé. Ouais. Mais parfois, quand on a loué, ça donne envie d'acheter. Le piège classique, les premières chaleurs du printemps. On commence à s'émouvoir sous les dredons, une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir, les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux. Ça sent le café, le salon de Marseille. On se confesse et on recommence le lendemain. Voilà. Et à 40 ans, on est une épave. C'est ça que tu veux ? Non, monsieur. Extrait de Calmos que nous a retrouvé notre réalisateur Benjamin Riquet. Alors, donc, pour acheter sa liberté en Chine, c'est ce que disent les gens qui se louent ou qui louent des petits amis, des petits copains, voilà. Pour acheter sa liberté tout en sauvant la face des ancêtres, parce que comme ça on va aux repas familiaux ou aux réunions d'anciens combattants de l'école, en louant quelqu'un. Alors, la bondo, la liberté d'acheter sur Internet. Donc, vous pouvez l'acheter sur Internet. Ça vous intéresse, Cali, si... Bah, si toutefois, moi, je n'étais pas libre pour vous accompagner, par exemple. est-ce que ça vous dirait de louer Liu Xu, 27 ans, 58 kilos, 163 cm. Elle est disponible pour les fêtes familiales, les mariages ou les réunions d'anciens élèves. Et elle a déjà été louée plusieurs fois avec succès, rassure son profil. C'est une valeur sûre, Cali. Ça me touche, c'est bien. Ouais. Hein, mais on ne consomme pas. Hein. Mais c'est vrai, ce sont des locations en tout bien, tout honneur. En réalité, quand on est chinois, vaut mieux mais est-ce que c'est... se fiancer à Shanghai que se marier à Tours. J'ai dormi une heure. Okay. Oui, mais vous avez eu des infos. Mais vous, Cali, comme vous êtes en tournée, vous n'avez pas besoin, parce qu'il y a des fans qui vous attendent à la fin. Et c'est, voilà. Là, c'est vous êtes en train de poser une question qu'on ne pose pas. Je suis très cher. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Alors, sachez que, attention, parce que c'est une pleine page dans le Figaro. On s'en canaille un petit peu au Figaro. Donc, c'est à peu près 80 euros. Beaucoup d'entrepreneurs s'ennuient. Je voulais savoir combien ça coûte, d'ailleurs, de louer un chinois. Mais voilà. Alors, 80 euros en moyenne, ou alors 240 euros pour les femmes au physique de starlet. Ah, est-ce que c'est pas un site de rencontre un peu dissimulé ? C'est-à-dire que vous payez la première rencontre et puis après... Il paraît que d'après l'article, les histoires qui se sont formées n'ont pas tenu très longtemps et qu'il y en a eu très très peu. Mais ça en dit long sur les archaïsmes de toute une partie de la Chine. À qui on demande aux jeunes femmes et aux jeunes hommes à l'aube de leurs 30 ans, est-ce que t'es mariée ? Je savais que, que Clara Dupont-Mono allait élever le débat. Vous voyez, Cali, c'est incroyable quand même. Ouais. Moi, je fais l'inverse. Moi, je loue des parents. Que j'abaisse le débat. Non, je loue aussi. Moi, je loue des parents pour les présenter à mon mec. C'est mieux parce que comme les miens ne sont pas toujours... Mais en France, il y a des escort girls aussi. Mais alors là, c'est pour consommer les escort girls. Oui, mais c'est pas pour aller chez ses parents, a priori. Oui, c'est vrai que ça fait mauvais genre. Mais oui, évidemment. Est-ce qu'il y a des PDG en location aussi ? Comment ? Des PDG en location, je ne sais pas. On va avoir des problèmes. Oui. On va avoir des problèmes. On dirait que c'est courageux. Je me désolidarise complètement. On dirait que c'est votre faute, Cali. Ça vous ennuie pas ? De toute façon, après, vous partez en tournée jusqu'au 20 mai pour votre album. Donc, vous serez à l'abri. J'espère que vous ferez grève après moi. Moi, après le reste, je m'en fous. Non, on n'aura plus de boulot et on fera les choristes. Écoutez, après ce qui va être dit ici. Ça va être notre dernière émission, c'est parti. Qu'est-ce qu'il dit ? Is es nun. Rupir. Dem Europäischen. Ja, ja. News au kilo. Traum. Aber du weißt ja, déjà un mot. Et moi, vous osez vous foutez ? Non, on n'oserait pas. Bah, on a travaillé, hein. C'est le service public, c'est la créativité, l'originalité. On renouvelle notre stock de jingles. Très joli, ce petit jingle. Et on commence par les États-Unis où le conservateur américain Rand Paul se lance dans la course à la Maison-Blanche. Rand Paul est le précurseur du Tea Party. Ah ouais, donc admettons qu'il devienne président et que son fils lui succède. Oui. L'Amérique sera présidée par Rand Paul II. C'est ça, oui. Bon, passons sur ce jeu de mots. C'est Ferroni qui écrit le texte. C'est Cali. C'est Cali qui l'a soufflé. C'est moi, c'est moi. Voilà, ça, revenons en France avec un article du Parisien il y a quelques jours qui met en lumière un très beau combat défendu par une personnalité qui s'engage sur un sujet difficile et fort. Il s'agit de Thierry Ardisson. Ah oui, s'engage, c'est beau ça. Oui. Derrière ses airs un peu hautains. Oui, s'engage. C'est vrai, on l'imagine égoïste et pourtant, il a pris la tête d'une noble cause. On écoute. J'ai créé l'association de défense des arcades Rivoli pour protéger ce patrimoine qui malheureusement n'est pas classé monument historique. Oui, alors il se trouve que par hasard, il habite dans le coin, mais ça, ça veut rien dire. Il trouve que les magasins de babioles et les fast-food, c'est pas joli, ça attire du monde, écoutez. C'est le patrimoine, c'est la France, c'est en face du musée du Louvre, c'est en face du jardin des Tuileries. Il n'y a aucune raison que nous laissions ce patrimoine se dégrader après année. J'adore les kebabs, mais les kebabs, c'est mieux à Barbès. Ouais, les kebabs, c'est mieux à Barbès, comme les Arabes, d'ailleurs. Je tiens à dire à Louis XIV, s'il nous écoute, que c'est vraiment dégueulasse d'avoir construit le Louvre, aspirateur à touristes, juste sous les fenêtres de Thierry. Bah alors, déjà quelqu'un qu'on recevra pas dans l'émission. Oh, bon, en tout cas, on l'invite chaleureusement. Ah bah oui, ah bon, on l'invite à vous répondre. On l'invite à venir, ça, ce sera sur un super invité, on va défendre ce combat, nous aussi. Tout est de la faute d'Alex Vizorek et de Cali, moi je n'y suis pour rien. Merci Cali d'être resté avec nous. Merci beaucoup. Avant votre départ pour Angoulême, donc. Alors j'ai quelques dates, le 9 avril à Nantes aussi, le 10 avril à Brest, le 11 avril à Rouen, le 27 mai vous serez au Zénith de Paris et le 17 avril à Bruxelles. Pas loin d'Ostende. Et le 17 avril à Bruxelles. Mais oui, et oui, le oui. 17 avril à Bruxelles. Mais Bruxelles, oui. Le 17 pas loin d'Ostende. Ostende, qui est une très belle chanson qu'on peut retrouver sur L'âge d'or, parce qu'on écoute votre single, évidemment, La vie quoi, sur la playlist France Inter. Mais et je joue avec Bob Dylan le 12 juillet à Albi. Oh, c'est pas vrai. C'est, pas, vrai. C'est pas possible. Ouais. C'est lui qui a demandé. Il a demandé Cali. Ouais. Ah bah, écoutez, on va vous donner le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour tous les aventuriers, tels vous ou Bob Dylan. On se confesse et on recommence le lendemain. Voilà. Et à 40 ans, on est une épave. C'est ça que tu veux? Non, monsieur.